Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Louis Armstrong, le roi du jazz. Et je n'oublierai jamais le premier concert que j'ai entendu d'Armstrong. Je devais avoir 14 ans. J'ai eu une crise d'angoisse, tellement l'émotion était forte. Je me suis étouffée comme ça, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement cette musique résonnait en moi et avait d'importance. L'auteur Marie Cardinal à l'émission « Juré craché » en juillet 1996, des années plus tard, Marie Cardinal continue, vous l'avez entendu, elle continue d'être sous le coup de l'émotion quand elle parle du concert où elle a entendu pour la première fois la musique de Louis Armstrong. Il faut dire que la musique et la voix de Louis Armstrong sont effectivement inoubliables. Il fait partie des quelques musiciens à pouvoir revendiquer le statut de grande légende du 20e siècle. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Louis Armstrong chantant l'inoubliable What a Wonderful World. Pour nous présenter ce géant du jazz au 20e siècle, j'accueille Stanley Péan, animateur de l'émission Quand le jazz est là à Ici Musique. Stanley Péan, bonjour. Bonjour. Quelle place il occupe, le grand Louis, dans l'histoire du jazz? Une place de fondateur, il faut dire. C'est vraiment lui qui a pris cette musique locale, folklorique de la Nouvelle-Orléans, puis qui l'a transformée, qui l'a imposée comme quelque chose d'universel. C'est vraiment lui qui va imposer un style, une manière qui va permettre au jazz de conquérir le reste de la planète. Alors que ça aurait pu très bien rester la musique des rues de la Nouvelle-Orléans, ce qui en soi était pas mal. Mais dans la manière de faire, autant comme chanteur que comme trompettiste, il va avoir une influence considérable sur tout ce qui va suivre. Parce qu'il va la réinventer aussi, cette musique de la Nouvelle-Orléans. Absolument, parce que la musique de la Nouvelle-Orléans, c'est une musique de fanfare, c'est une musique d'improvisation collective qui défile dans les rues. Et Louis Armstrong aura le génie de dire qu'il faut discipliner un peu cette musique et de lui donner une forme qui est celle qui est encore assez utilisée dans le jazz d'aujourd'hui, la forme qui a été la plus courante, c'est-à-dire exposition du thème, c'est quoi la mélodie de la chanson ou du morceau instrumental, improvisation d'un ou deux ou trois solistes, ça dépend du temps qu'on a, et retour au thème à la fin. Mais quand lui s'impose comme soliste à la trompette, il est en train de réinventer le langage de la trompette parce que c'est un immense virtuose. Ouais, c'est nouveau, ça, de mettre un musicien devant. Là. Oui, à l'avant, parce qu'autrement, à la Nouvelle-Orléans, c'est tout le monde improvise exact. En même temps. Ouais. Ouais. Il va rester donc attaché toute sa vie à ce jazz de la Nouvelle-Orléans, tellement qu'il va être un peu réfractaire, je pense qu'on peut le dire, à tout ce qu'il y a de nouveau, à ceux qui vont essayer de réinventer le jazz. Je pense au bebop. Il dira, c'est de la musique de chinois, je ne sais pas ce que ces gens sont en train de faire. Pour lui, c'était de l'incompétence parce qu'il ne comprenait pas, il considérait ça comme de la cacophonie. Plus tard, il reviendra sur ces déclarations-là. Il dira quand même que Charlie Parker et Dizzy Gillespie, qui est un de ses rivaux à la trompette, il dit, ces gens-là sont des vrais musiciens. Quand même. Il va quand même admettre que ce sont des vrais musiciens. Mais au début, pour lui, c'est à un point tel que même les beboppers, Charlie Parker a dit, Armstrong a raison, ce qu'on fait, c'est pas du jazz. Il peut continuer, lui, à faire du jazz. Nous, on fait une autre musique. Oh, it's tight like this. No, it ain't tight like that either. I said it is tight like this. Let it be tight like that then. Thank you. Extrait de la pièce « Tight Like This » qui est enregistrée en 1928. Comment décrire ce qu'on vient d'entendre? Comment décrire, Stan Lépéan, le son, le style Louis Armstrong? Bien, c'est d'abord, cette trompette, c'est la puissance. C'est vraiment un phrasé particulier. C'est le même phrasé qu'il a quand il chante. Une grande puissance, quelque chose de très chatoyant. C'est une trompette ouverte. C'est pas la trompette avec la sourdine intime à la Miles Davis. Ça viendra beaucoup plus tard, ça. Louis Armstrong, c'est un son triomphal. C'est un son extrêmement mâle. Buddy Bolden, qui était le modèle à la Nouvelle-Orléans, c'est lui le trompettiste dont, hélas, on n'a aucun enregistrement. Il est d'avant l'ère de l'enregistrement. Mais c'est celui que tous les trompettistes de la Nouvelle-Orléans essayaient d'imiter, essayaient de surpasser. Armstrong s'impose comme étant le principal héritier de Buddy Bolden, qu'il a dû entendre enfant. Et donc, il est en studio là, il badine avec son pianiste Earl Hines, « Tight Like This », évidemment, avec le petit sous-entendu licencieux. Et « Tight Like This », c'est aussi comment il joue, ce groupe-là. Ouais. C'est extrêmement serré. Rythmiquement, il est exigeant, Louis Armstrong. C'était les Hot Sevens, son deuxième groupe légendaire dans les années 20. Ça se passe vite pour lui. Lui qui est passé de deuxième trompette chez Joe Oliver à soliste, accompagnateur vedette des grandes chanteuses de blues, Ma Rainey et autres des années 20. Là, tout d'un coup, il impose ce jazz-là. Il impose sa voix extrêmement rauque qui est due à des excroissances sur ses cordes vocales. Deux fois dans sa carrière, il va vouloir les faire enlever chirurgicalement. Deux fois, l'opération va échouer. Heureusement. Et, j'allais le dire moi aussi, Jacques, heureusement, parce que ça fait partie de son charme, cette voix extrêmement étrange, très, très rauque et séduisante. Ouais. C'était pas gagné pour lui, parce que quand on voit d'où il vient, la Nouvelle-Orléans, mais attention, un milieu très, très pauvre. On se dit comment ce gamin qui grandit dans ce milieu très pauvre peut même, à un moment donné, faire de la musique. Il était très croyant, alors sans doute lui dirait que Dieu veillait sur lui, mais abandonné par son père et sa mère, son père qui quitte le foyer familial, la mère qui se prostitue, c'est sa grand-mère qui va l'élever. Et lui, il y passe essentiellement ses journées dans la rue et il chante avec des copains sur les coins de rue pour ramasser un peu d'argent. Et très tôt, à l'adolescence, lors d'une parade, il aura un revolver entre les mains, il va tirer en l'air pour... Dans l'excitation du moment, il sera arrêté pour ça, il sera placé dans un foyer d'accueil pour jeunes délinquants. Et c'est là qu'il va s'initier au cornet, qui a été son premier instrument. Ouais. C'est le même instrument que la trompette, essentiellement. Et donc, en sortant de là, il va avoir pris la décision que ce serait ça, sa vie, sa carrière. Et donc, presque autodidacte, là, on lui a montré le cornet et il apprend à en jouer de manière céleste. Ça, c'est au début des années 10 là, qu'il sort de cette école de réforme. Ça va être assez difficile, les débuts. C'est vraiment, vous l'avez un peu évoqué, mais les années 20, où vraiment la carrière devient sérieuse, où il a un vrai succès. C'est quoi le point tournant, le déclencheur? Le point tournant, c'est d'entrer chez Joe Oliver. C'est le chef d'orchestre le plus célèbre, le plus réputé de la Nouvelle-Orléans. Tout ce monde-là est en train de se déplacer parce qu'on ferme les bars, on ferme le quartier rouge, le Red Light District de la Nouvelle-Orléans. Et donc, tout ce monde-là remonte vers Chicago, qui va devenir historiquement la deuxième capitale du jazz. Et c'est là que Joe Oliver va l'avoir comme deuxième trompette de son orchestre. Et il va finir par lui dire, écoute, t'es infiniment supérieur à moi. Je vois pas pourquoi tu resterais comme à être le deuxième violon, deuxième trompette. Ouais. J'ai plus rien à t'apprendre. Pars. Tu vas être quelqu'un de plus grand. Et c'est vrai, Joe Oliver, on a encore des enregistrements de ça. On les a d'ailleurs parce que Louis Armstrong y a participé. On écoute ça à la recherche des notes jouées par Louis Armstrong. C'est lui qui, dès le milieu des années 20, va s'imposer comme étant, c'est le roi de la trompette. C'est l'homme à abattre entre deux. Pour les autres trompettistes, il faut surpasser Louis Armstrong. Et ça s'entend tout de suite quand on écoute les enregistrements de cette époque. C'est vraiment son âge d'or, les années 20-30. Teniez, Stan Lépéan, à ce qu'on entende cet extrait West End Blues enregistré en 1928. Pourquoi? C'est un solo qui a fait école. Son improvisation là-dessus, elle est impeccable. Encore une fois, c'est la tessiture de la trompette, c'est le registre qu'il va chercher. Il va assez haut dans le registre de la trompette et puis redescendre très bas. La sensualité, son choix de notes. C'est un solo qui a fait école dans la mesure où tout trompettiste sérieux de jazz, en tout cas, apprend à jouer, à essayer de comprendre la construction de ce solo-là, improvisé par Armstrong. C'est encore un modèle aujourd'hui. C'est encore un modèle aujourd'hui. Puis il y a des trompettistes encore aujourd'hui qui sont totalement coulés dans ce moule-là. Ouais. Si ces grandes années correspondent aux années 20 et 30, c'est probablement en bonne partie à cause de ce qui se passe en 34. Il se blesse aux lèvres. Qu'est-ce que ça va changer dans sa manière de jouer? Ben, ces moments de haute voltige, toujours dans le très haut registre de l'instrument, toujours très, très vite des notes mitraillées, il va diminuer un peu ça parce qu'il est blessé. Il n'a plus le contrôle qu'il avait avant. Il est encore, on écoute Louis Armstrong, à n'importe quelle période, c'est encore un excellent trompettiste. Mais si on compare ses enregistrements des premières années à ce qui viendra ensuite, on dit oui, c'est quelqu'un qui se ménage les lèvres. Évidemment, c'est un instrument extrêmement exigeant, justement pour cette raison-là. Et on doit admettre qu'effectivement, à partir de 36, il va arrêter un an quand il ne peut plus jouer avec les lèvres blessées parce que tout se passe sur la bouche. Ouais. Alors lui, il a des lèvres épaisses qui lui ont valu son surnom de Satchel Mouth, Satchmo, c'est-à-dire la bouche en sacoche, parce que c'est des grosses, grosses lèvres qu'il fait vibrer. Et alors, il y a ce vibrato très puissant dans ce qui définit aussi son style. Ouais. La note, elle vibre. Mais Louis Armstrong, diminué, évidemment, ça reste un trompettiste au-dessus de tout le monde quand même. C'est un grand, grand trompettiste. Et évidemment, il devient aussi célèbre. Dans les années 40, c'est une vedette. Il est connu en Europe. Hollywood va lui proposer des rôles même. Oui, il apparaît dans des films d'Hollywood, mais en même temps, bon, c'est le racisme de l'époque. Il apparaît essentiellement dans des rôles de garçon d'écurie, de domestique, pas trop brillant, mais ce sont des rôles extrêmement payants pour lui. Et c'est une façon de se faire connaître aussi du grand public. Ouais. Il est là, aux côtés des grandes vedettes du cinéma, mais toujours dans les petits rôles. Listen here, Pops. You know you lie about your youth. I don't lie, baby. I'm just careless with the truth, that's How all. How careless can you be? Oh, no. With all young chicks, you try to make a flash. No, baby, it ain't like that, no. But you're still my good for nothing, my sweet hunk of trash. Louis Armstrong et Billie Holiday, My Sweet Uncle Trash, en 49, ils vont jouer ensemble au cinéma. Oui, ils quelques vont années avant, sur scène. Quelques années avant, ils étaient ensemble dans un film où justement, elle est la bonne, lui est un musicien sans importance, mais ce film New Orleans de 1944, il serait complètement tombé dans l'oubli si ce n'était du fait qu'il y a Louis Armstrong et Billie Holiday ensemble, qu'on voit chanter ensemble, qui se côtoient. Et il faut dire que pour Billie Holiday, c'était quelque chose de côtoyer Louis Armstrong. C'est leur idole à tous, à toutes les artistes de jazz voient en Louis Armstrong une sorte de roi, disons-le, roi soleil du jazz. Et son père, à Billie Holiday, lui reprochait, lui disait, écoute, quand tu chantes, on dirait que tu essaies d'imiter la trompette de Louis Armstrong. Et c'est vraiment ce qu'elle essayait de faire. Elle a ce phrasé qui rappelle les solos de trompette de Louis Armstrong. Alors, d'enregistrer avec lui, de tourner au cinéma avec lui, c'était des grands moments de la carrière de Billie Holiday. Puis lui, il aura une présence bienveillante auprès d'elle. C'est un peu sa fille spirituelle. Ben oui, donc c'est une sorte de parrain de tous ces gens-là. Ouais. Une autre grande du jazz avec qui va chanter Louis Armstrong, c'est évidemment Ella Fitzgerald. Yes, when you're at home alone, the blues will taunt you constantly. Yes. And when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep. The whole night you're crying. Yeah, but you can't forget her. Soon you even stop trying. Yes, man, you'll walk the floor. That's when it's rough. And wear out that last pair of treaders. When you feel your heart. Right. Learning the Blues. Et c'est Louis Armstrong, justement, qui va enseigner ce qu'on entendait, la technique du scat à Ella Fitzgerald. On dit même, Stanley Payne, que c'est lui qui l'a inventé. Il l'aurait inventé. C'est ce que veut la légende. En studio, il y a deux versions. Soit il avait oublié complètement les paroles, soit les paroles étaient là et le feuillet était tombé. Ouais. Et plutôt qu'interrompre la séance d'enregistrement, il s'est mis à improviser en faisant à la voix ce qu'il faisait à la trompette, donc avec des syllabes qui n'ont aucun sens, mais ouais. qui rythmiquement et harmoniquement proposent une autre version du thème de la chanson. Et ça, Ella Fitzgerald va devenir sa plus brillante disciple. Elle est une scatteuse extraordinaire, Ella Fitzgerald, et elle tient ça de Louis Armstrong, avec qui elle va beaucoup travailler ouais. dans les années 50 chez Verve. Ils ont le même agent, ils sont chez la même maison de disques. On va réunir nos stars. Sur cet enregistrement-là, il y avait Oscar Peterson au piano. Alors, c'est du tout ouais. étoile, ça. Ça va donner des moments vraiment magiques ces années-là. On entendait chanter Louis Armstrong dans cette pièce avec Ella Fitzgerald. De fait, au fil du temps, il va être de plus en plus chanteur, de moins en moins trompettiste. Les années 60, probablement que les deux plus grands succès de Louis Armstrong, c'est des chansons. Deux, trois, mettez-en. Et ouais. avec Hello Dolly, en 1964, il est le premier chanteur populaire à déclasser les Beatles du haut des palmarès américains. Parce qu'ils occupaient, sur 10 places, il y avait 8 chansons des Beatles, puis d'habitude les 8 premières. Et tout d'un coup, il arrive avec Hello Dolly, une chanson d'un autre âge. Donc ouais. c'est de la musique de Broadway. Et tout d'un coup, il est là encore populaire, plus que jamais, capable de détrôner ce qui est la nouvelle voix de ouais. la musique populaire. Là. Et puis en 67, évidemment, ce qu'on entendait au tout début de l'émission, est-ce que What c'est son plus grand world. Succès? Mais c'est celui qu'on a retenu, parce que c'est un de ses derniers, ça ressemble presque à un chant du cygne. C'est une chanson où il ne joue pas de trompette. C'est vraiment le chanteur qui est mis de l'avant, même dans la production, la manière de présenter la musique. Et c'est tellement une belle chanson. Et c'était une chanson qui s'imposait à une époque, c'était la guerre du Vietnam, c'était des remous terribles dans la société américaine. Voilà une chanson qui est l'optimisme pur. Quand même, malgré tous les défauts, ce monde est quand même merveilleux. Ouais, c'est fabuleux. On termine cette émission. Vous parlez de la guerre du Vietnam. On va aller sur le terrain de l'engagement, mais évidemment sur la question raciale. Pas question de faire une émission sur Louis Armstrong sans parler de ce grand débat sur la question raciale aux États-Unis. En 57, Louis Armstrong est au Dakota du Nord et c'est le moment des insurrections, des troubles à Little Rock en Arkansas. Et il y a un reporter blanc qui vient l'interviewer. Louis Armstrong lui dit, il n'en est pas question tant que les gens de ma race vont être insultés. Venait de voir à la télévision un blanc craché sur un jeune étudiant noir, et il a dit « Tant que ça va être comme ça, vous pouvez aller au diable avec votre interview. » Il avait refusé également l'invitation du président Eisenhower de faire une tournée. Il en a fait d'autres par la suite, mais pendant ces événements-là, il a refusé et il a répliqué vertement au gouverneur Faubus, l'ignoble Faubus de Little Rock, de l'Arkansas. Lors du tournage du film New Orleans, par exemple, avec Billie Holiday, c'est lui qui intervenait pour que on ne demande pas, ainsi qu'on l'a fait pourtant, à Billie Holiday de parler comme elle ne parlait pas elle-même, pour donner cette version, pour être conforme à l'idée que les Américains se faisaient du langage parlé par les Noirs. My only sin is in my skin. What did I do? Extrait de la chanson Black and Blue enregistrée en 1929. Vous entendiez aussi dans cet extrait l'auteur Gilles Archambault, homme de radio, qui a longtemps animé une émission de jazz à notre antenne et qui parlait du côté engagé de Louis Armstrong à l'émission Bonjour l'ambiance en juillet 1996. Faut dire, Stanley Payne, que les militants noirs des années 60 vont lui reprocher de ne pas s'engager suffisamment à leur goût. Il va être très dur. Même dans les années 50, on était ouais. déjà très dur avec lui. Pour lui, on voyait en Louis Armstrong le bon nègre qui se plie à l'image qu'impose le pouvoir blanc. Et Black and Blue, déjà... 1929, dans cette pièce-là, c'est encore timide. Ce sera toujours timide chez Louis Armstrong, sauf quand il répondra au Ike à Eisenhower. Ouais. Mais c'est quand même... « My only sin is in my skin ». Il y avait déjà une prise de position. La chanson n'est pas de lui, mais c'est lui qui va l'imposer, cette chanson-là. Et si dans les années 50, on trouve qu'il est trop Benny Oui Oui, il est trop Uncle Tom, c'est la, la pire insulte qu'on peut donner à un noir à l'époque, c'est parce que, c'est ça, il ne se prononce pas là-dessus avant l'histoire de l'Arkansas. Ouais. Et plus tard, dans les années 60, parce que le temps l'a rattrapé, il osera un peu plus critiquer et revendiquer pour la communauté noire. Mais il était vu par les jeunes, ben, on pense à Miri Baraka qui dira de lui, non, c'est vraiment, c'est une honte, Louis Armstrong, et qui plus tard dira lui-même, j'ai peut-être été trop dur. Parce qu'il sera réhabilité, là, au fil du temps. Oui, absolument. Parce que quand même, timidement, pour quelqu'un de son époque, il se prononçait davantage que d'autres qui étaient totalement muets sur la question. Puis il ne faut pas oublier, je reviens aux origines, mais ça va le suivre aussi. Il y a la couleur de sa peau, mais il est vraiment d'un milieu très, très pauvre. Et ça... Et s'il atteint un statut de star, il a peur de le perdre. Exactement, aussi. C'est ça. Il est obsédé de ça, là. Ce confort, cette aisance qu'il a réussi à gagner. Oui, avec sa musique, quoi. Ouais. Il reste quoi de cette grande figure légendaire aujourd'hui, Stanley Perry? Miles Davis, qui est le grand innovateur, c'est toujours comme ça qu'on le présente, dit « Il est impossible de jouer sur cet instrument, la trompette ». Quoi que ce soit que Louis Armstrong n'avait pas fait avant nous, c'est vous dire à quel point quelqu'un d'aussi exigeant que Miles voyait en Armstrong quelque chose de hors de sa portée, il reste un modèle pour tous les trompettistes. C'est un peu lui qui a codé la manière de chanter. Bing Crosby, Frank Sinatra, tout ce monde-là, Billy Holiday, se réclame de lui. Et donc, il a une importance extraordinaire dans l'histoire de la musique populaire qu'on ne soupçonne pas toujours, mais quand on, dans les années 80, un David Lee Roth, chanteur de Van Halen, reprenait Just a Gigolo et la chantait à la Louis Armstrong, on voyait qu'il y avait quand même encore cette filiation-là que des gens de tous les horizons musicaux reconnaissent. Ouais. Est-ce que c'est, pour le grand public, je ne parle pas des jazzophiles, mais je reviens à... C'est le trompettiste, le maître, mais le chanteur aussi qui a inventé une manière de chanter. Mais l'un est impensable sans l'autre. Ouais. Je vous dis, il chante comme il joue de la trompette. C'est la transposition vocale d'un jeu de trompette. Et c'est une des meilleures portes d'entrée pour découvrir le jazz. Ouais. C'est commencer par la musique de Louis Armstrong. Stanley Péan, c'était comme toujours un infini bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, Jean. Stanley Péan, animateur de l'émission Quand le jazz est là à Ici Musique. Merci également à Marie Caillet à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc. Recherche d'archives, Sophie Gibson. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room sway for the band.